Salut, moi c'est Hugo, j'ai 20 ans, je suis étudiant et je m'intéresse de près à l'immobilier depuis quelques mois. J'ai participé au séminaire Focus Immo Live 2019 que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pu faire des rencontres vraiment intéressantes, des gens qui ont la même manière de penser que moi. J'ai eu des échanges très intéressants. On avait des petites sessions de networking où j'ai pu échanger des numéros, des gens m'ont parlé de leur expérience. J'ai pu parler de mes projets, de ce que je comptais faire dans les mois et les années à venir. Donc voilà, c'était vraiment très très enrichissant et je le recommande fortement à mon entourage. Je le recommande surtout aux gens qui pensent sérieusement à investir dans l'immobilier ou qui s'intéressent de loin ou de près à ce domaine et qui veulent en savoir plus. C'est vraiment le genre d'événement qui permettent de voir si c'est ou non fait pour nous. Quant à Damien, je l'ai connu sur Facebook. Je suis allé voir ses vidéos, sa page Facebook, et puis son blog. J'ai essayé d'en connaître un peu plus sur lui. Il m'a paru sincère. Son expérience m'a parlé. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc on s'est appelé au téléphone, on a discuté, puis on a convenu d'un programme. Et puis il m'a proposé ensuite de venir à ce séminaire. Et puis c'est vraiment sans regret que j'y suis allé. C'était une super expérience.